Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. On va parler de la Ligue nord-américaine de hockey avec notre ami Gilles Péloquin. Je ne sais pas si on va être capable de parler de la série. La semaine passée, c'était trop gros, Robert Val. Mais là, on va en parler pareil. Salut, Gilles! Bonjour! Gilles, on va faire exprès pour parler de la série parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses. Là. C'est 2-2 dans la série. J'ai écouté un peu le match à la radio. C'est vendredi, j'écoutais ça. C'est une série d'Homer, hein? Ben, c'est une série qui est pas facile parce que faut dire que Sorel a enlevé un match à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup a enlevé un match à Sorel. Ce n'est pas nécessairement une série homer parce qu'habituellement, tu gagnes chez toi et tu ne gagnes pas sur la glace de l'adversaire. C'est une série de gardiens de but. C'est une série depuis le troisième match où la robustesse semble envahir et faire plaisir aux Troyes de Rivière-du-Loup et non pas aux éperviers de Sorel qui, eux, aiment mieux jouer dans le style vitesse d'exécution, marquer des buts et peut-être un peu moins de toughness. Faut dire qu'on ne connaît pas s'il y a des blessés du côté des 3L, sûrement, mais on sait que du côté des éperviers, il y a hécatombe au niveau de 4 des 7 défenseurs. Ça n'aide pas non plus. Mmh. Et Sorel n'a pas eu dans le passé, ça peut être une explication, pourquoi ils n'ont toujours pas de coupe verdure en 20 ans d'histoire? L'instinct du tueur. Tu mènes 2-1 dans ta série. Tu as gagné un match très important la veille chez toi. Tu te présentes à Rivière-du-Loup. Tu sais, en bien jouant comme tu l'as fait la veille et en gagnant, tu reviens chez toi jeudi soir et tu peux terminer ça là. Et là, ça a été leur pire match de toutes les séries contre Trois-Rivières, contre Thetford, contre Rivière-du-Loup, lamentablement, 7-3, rien ne fonctionnait. Ben, tu reviens en case départ. Le seul bon point, c'est que tu as gagné l'avantage de la glace toute la saison, Danny. Ouais. Donc, tu as un 2-2-3 et peut-être l'assurance de 2 matchs chez toi, mais ça ne veut rien dire contre Rivière-du-Loup parce que Sorel, l'instinct du tueur, il y a 2 ans, mène 3-2 la série, 6e match chez lui, le perd en 2e prolongation, le lendemain, se présente presque pas et perd la coupe dans la face même des 3L sur la glace à Rivière-du-Loup. L'an passé, début de série éliminatoire, un autre affrontement à Rivière-du-Loup de suite et un autre de ces matchs gagné par la peau des fesses parce que tu as l'avantage de la glace en terminant 2e derrière Jonquière l'an passé. Et là, on se retrouve encore peut-être pour une 3e année de suite avec le même scénario. Donc, ça me fait un peu peur. Faut absolument que Sorel gagne demain pour aller chercher le match numéro 6 le lendemain, vendredi, à Rivière-du-Loup. Si Sorel échappe le match de demain, malheureusement, ça va aller à 6, mais que la saison va se terminer vendredi à Rivière-du-Loup. Mais je pense qu'à quelque part, ça va aller à 7. Ça ressemble à ça, hein? Bon, ça ressemble énormément au scénario de cette équipe Rivière-du-Loup versus la formation des Éperviers, comme dans les 2 dernières années, du 7 matchs tout craché. OK. Hey, l'avantage numérique de Robert Val, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, l'avantage numérique de Sorel, 25%. Oui, ça a été la meilleure des séries, alors qu'en saison, ils avaient également été bons, tout comme en désavantage numérique. Et ils sont la meilleure équipe aussi en désavantage numérique. C'est aussi, comme en saison, l'équipe qui lance le plus sur le gardien adverse. La différence, c'est que là, en série, on a frappé des bons gardiens de but et il y a beaucoup de difficultés à marquer. Mais cependant, après 4 matchs, c'est à peu près égal partout. Autant dans les minutes de pénalité, dans les buts, 11 pour chaque équipe. Les deux gardiens qui excellent tour à tour, 2 matchs la casse, 2 matchs Cousineau, et il y a des canons qui sont en silence du côté des deux équipes qu'on attendait, et ce sont ce que l'on appelle les bons plombiers de luxe qui font le travail en ce moment. Donc, tout est à jouer. Les assistances sont incroyables, pour ne pas dire écœurantes, avec 2300 environ de moyenne à Rivière-du-Loup au lieu de 1100 en saison et 2200 à Sorel au lieu de 1060. C'est une année de bonheur pour la Ligue nord-américaine en série depuis 10 ans. Avec pas le Canadien. On va terminer de 75 000 spectateurs pour les séries dans les arénas de la Ligue. Ouais. Les Canadiens, à quelque part, c'est pas mal. Ça a aidé aussi le fait que le Canadien soit pas en série, hein? Ça aide énormément quand le Canadien ne fait pas les séries parce que tu ne restes pas devant le petit écran et tu vas. Et le hockey de calibre qui est présenté dans la Ligue nord-américaine cette année, et notamment en séries éliminatoires par toutes les équipes, est là. Avec les deux qui restent en compétition, moi, je prends le tape et c'est bon vendeur pour aller chercher des commanditaires. Ben oui. Gilles, hier, on a vu passer l'offre d'emploi un peu partout, l'offre d'emploi du commissaire. Normalement, les élections, je sais que Justin Trudeau est assigné demain, mais on parle que ce serait une annonce à faveur économique et non le déclenchement des élections, mais ça ne devrait pas tarder. On parlait même de la semaine prochaine pour des élections le 18 juin. C'est les dernières rumeurs que j'ai entendues là-dessus. Donc, le poste de commissaire est maintenant disponible. Est-ce que Gilles Perroquet est intéressé par ce poste? Non. C'est non? Catégorique pour bien des raisons. C'est de valeur parce que je te verrai. Oui, je sais. J'ai été commissaire de la classe junior, commissaire de la classe senior au Québec, avec des équipes autant que les équipes du hockey de la Ligue nord-américaine. C'est le sport qui change. C'est une petite balle dans les airs plutôt qu'une rondelle sur la glace. Je suis actuellement président de Golf Québec pour les cantons de l'Est, pas avec 6 équipes, avec 47 terrains, 18 tournois à occuper depuis 3 ans, et je pense que je fais très bien le travail. Pourquoi? Parce qu'on travaille en équipe. Comme c'est à la crosse, comme c'est avec le golf, j'ai eu réunion, 29 de mes 39 clubs officiels Golf Québec étaient sur place dimanche. Ça n'a pas duré 90 minutes. Tout le monde est reparti heureux. Tout le monde sait à quoi s'attendre pour l'été. C'est un travail d'équipe. Hier, quand je lis la lettre qui demande de postuler et les critères demandés, il y a une ligne que Richard Martel a dit en onde l'autre jour, à plusieurs reprises, dans plusieurs entrevues. Les propriétaires tirent de leur côté. Les 6 travaillent pour leur poche, ne travaillent pas en équipe. C'est ce qui l'a déçu de son mandat actuel d'un an seulement à la tête de la Ligue nord-américaine. Et dans ce qu'on lit pour la demande d'emploi, ça dit « faut savoir travailler en équipe ». Hey, c'est pas un cave, là. Après 52 ans dans les médias, ça travaille pas en équipe. Et depuis 22 ans, cette Ligue-là a pas changé au niveau de bureaucratie. Exemple, ce qui est plus important pour moi en ce moment, c'est pas un gars comme commissaire Danny. Il y en a un qui fait la job, qui a bien tenté de la faire, qui va peut-être aller chercher 1, 2 ou 3 nouvelles concessions, ou pas toutes, on le saura au finish, mais on ne le sait pas encore. Ce qui manque le plus, c'est un vrai journaliste, un vrai gars de communication qui fait parler cette ligue et qui écrit sur cette ligue et fait avancer cette ligue dans les médias. Non, mais c'est qui? Gilles, c'est toi. C'est carrément toi. Là, tu as des portes d'entrée. Mais en tout cas, tu dis que... Jamais on m'a offert l'emploi. Et avec ceux qui sont en poste en ce moment, Danny, oublie ça. Ouais. Écoute, je m'amuse avec des gens dans cette ligue qui sont polis et gentils, mais il y en a d'autres qui viennent te déranger constamment, te dire que tu n'as jamais dit les belles choses, que tu prends pour une équipe en particulier. Et là, tu m'apportes à dire une chose très importante. Ouais. Que j'ai d'ailleurs mentionné ce matin à 2 personnes de Trois-Rivières qui m'ont écrite concernant le fameux dossier des Laveurs de Trois-Rivières. Ouais. N'oubliez jamais, et ce que tout le monde pense, Gilles Péloquin n'est pas à la solde de la Ligue nord-américaine. Gilles Péloquin n'est pas à la solde des éperviers de Sorel-Tracy. Gilles Péloquin est un pigiste engagé par une radio qui s'appelle CJSO depuis 3 ans. Tu as des très bonnes cotes d'écoute, entre guillemets. J'ai voyé les chiffres, ça l'autre fois, là, 25 000. C'est quelque chose pour une radio de province. Et 51 000 heures d'écoute, c'est quelque chose également. Mais il faut dire, à l'opposé, puis là, on va être bon prince, là. Oui, il reste 2 équipes. Oui, il y a une seule radio à écouter à travers le Québec ce soir-là, parce que Rivière-du-Loup ne fait pas les matchs chez elle localement. Donc, tu as un vaste auditoire beaucoup plus grand. Mais déjà, quand tu as 9-10 000 auditeurs, c'est beau. 25 000, Ben, c'est ça, grandiose. C'est grandiose pour la Ligue. Parce que ça fait bien parler la Ligue, comme le fait à RDS depuis deux semaines. Yannick Lévesque, qui n'est pas obligé. Mais il le fait parce que c'est un petit gars de Sorel qui adore le hockey de la Ligue nord-américaine. Et il veut redonner le lustre à cette Ligue. Mais ça te prend, Danny, avant même un commissaire, un gars de communication. Et moi, je sais qu'il y a des gens à l'intérieur de cette Ligue. Exemple, il y a 10 ans, on a enlevé au 12e anniversaire, au 14e anniversaire de la Ligue, un trophée qui s'appelait Communication Pélo, en mon nom, remis aux journalistes ou aux relationnistes de l'année. Parce qu'on a décidé, 2-3 trophées, là, on enlève ça, puis lui, là, Péloquin, ben, bye-bye, salut, va-t'en. Moi, je trouve ça ridicule. Donc, ça n'a pas changé. Il y a des gens qui ont fait ça à l'époque, il y a 7, 8, 10 ans. Ben, ils sont encore là, dans le giron de la Ligue. Tant qu'il n'y aura pas un ménage complet et qu'il n'y aura pas une compréhension complète des médias. Entre autres, comment se fait-il que les principaux journalistes qui suivent de près l'équipe pour leur radio n'ont même pas d'année de carte de médias pour entrer dans les arénas? Il y en a peut-être 8. C'est pas coûté cher, 8 cartes laminées à donner médias Ligue nord-américaine pour permettre aux gars de ne pas se faire toujours demander « Votre carte, s'il vous plaît, avez-vous votre billet? » Moi, je suis là depuis 22 ans. Tu m'as surnommé M. Ligue nord-américaine cette année et je t'en remercie. Mais je me présente dans les arénas, je suis inquiéteux parce que je n'ai même pas de carte. On n'a même pas donné de carte aux gars qui sont là pour les radios. On donne 20 cartes par équipe pour le gérant d'équipement, le thérapeute, le soigneur, le président, le directeur général, les petits amis. Mais les médias, on n'en donne pas. Et ça, ça part de là, les communications sérieuses qui se dit Ligue nord-américaine. Donc, moi, quand je vois défiler ça hier, je remercie les 10, 12, 15 qui m'écrivent. C'est très gentil, toi le premier. Mais non, ça ne me tente pas d'aller me battre, d'aller avoir des ulcères d'estomac, du stress avec des gens qui tirent la ligne dans leur point à eux respectifs et non pas en équipe. C'est facile. Ce que tu dis là, c'est très vrai. Si la Ligue a de la visibilité, ce qui va arriver, c'est que ça va être plus facile d'aller chez les commanditaires. Quand même, c'est pas intéressant pour les commanditaires de s'associer à une Ligue qui n'a pas de visibilité. Oui, puis surtout, toute cette saga depuis 2 mois, Richard Martel reste. Richard Martel s'en va. Richard Martel est en politique. Richard Martel va peut-être être avec Robert Ball. Comme là, je vais poser... Okay. Richard Martel va peut-être se retrouver à Green Bay avec son ami Michel Godette, deux ex-commissaires, lui qui va acheter Green Bay. Hop, arrive peut-être Berlin. Hop, on a parlé de Saint-Hyacinthe. Hop, on parle de, entre autres choses, Saint-Jérôme. À un moment donné, on parle de Laval. Ça, c'est ce que j'appelle de la politique qui doit rester à l'interne. Et quand on est sûr d'une chose, bang, on l'annonce. Et non pas faire du cancan pour supposément faire parler la Ligue. Mais en bout de compte, ça ne fait pas parler la Ligue comme faux. Et il y a une chose importante. On ne parle pas à travers tout ça de régler le fameux dossier Trois-Rivières. Et ça, c'est bien plus important qu'aller chercher 2 nouvelles concessions. Parce que en bout de ligne, là, si Trois-Rivières ne trouve pas preneur à l'extérieur de Trois-Rivières, parce que le monsieur qui a l'équipe et lui appartient, et il peut faire ce qu'il veut, comme j'ai dit à des gens de Trois-Rivières ce matin, ben, il veut pas aller à Trois-Rivières. Ben, il ira plus à Trois-Rivières. Mais s'il peut pas la relocaliser, il va faire comme Cornwall, il va faire comme Laval, et tu viens de perdre une concession. Tu tombes à 5, il peut peut-être te rester de plus sûr Berlin. À part ça, là, Robert Val, les jours passent, et plus monsieur le commissaire va devenir politicien dans l'âme pour les Bleus, les conservateurs, ben, il ne voudra plus de directeur-gérant et d'entraîneur avec Robert Val. Puis Robert Val, ça a été beau. Ça a été une belle annonce. Mais je ne suis pas sûr que ça va être là l'an prochain. Ouais, Gilles, c'est le projet de Richard Martel. Contons-nous pas d'histoire. C'est même pas demandé. Puis ça, je voulais te le dire, Gilles, la semaine passée. Robert Val, là, c'est même pas les gens de Robert Val qui en veulent. C'est la Ligue qui veut de Robert Val et non Robert Val qui veut de la Ligue. Mais n'oublions pas une chose. Ça, c'est la valeur la plus sûre. Si tu as un amphithéâtre qui a 1000 sièges et plus, et qu'il peut contenir 12 à 1400 personnes, c'est viable. Si ton amphithéâtre est comme moi j'ai eu il y a 5 ans passé à Windsor, dans le canton de l'Est, 802 places, qui peut amener 1000 personnes, c'est pas viable, et à la fin de l'année, ça avait été vendu à Cornwall. Le risque est trop calculé avec les nombreux voyages et un budget d'opération d'une équipe de la Ligue nord-américaine là, pour ne pas perdre un sou et ne pas en faire était cette année, et c'était le budget de Trois-Rivières, et je l'ai en main propre, 800 000 $ du moment que M. Boileau entrait dans l'aréna de Trois-Rivières, 800 spectateurs payants. OK. Alors, je vais te poser une question, Gilles. Moi, plutôt, on sait que ça a commencé à Dan Radio Sport, Richard Martel, commissaire de la Ligue nord-américaine. L'idée a été lancée. Je t'ai posé la question. C'est toi qui as lancé l'idée. Puis, tu as le domaine de nom de Richard Martel. Richard Martel, on sait son salaire. On le dira pas publiquement, là, parce que c'est off the record. Là, mais un an plus tard, est-ce qu'il a valu son salaire? Richard Martel a fait beaucoup en peu. Avec okay. Les moyens de bord. Parce que aller faire la visibilité, revenir dans les grands réseaux comme RDS, comme TVA Sport, c'est un plus. Mais ça valait-tu le prix de montant? Ça valait-tu le montant? Chercher des commanditaires, même si c'était 20 000, l'a-t-il avoué lui-même et non pas 200 000, c'est déjà un plus parce que pendant 8 ans, il n'y en a pas eu de commanditaires dans cette ligue. Ouais. Amener la télé sur le web, ça a été un must parce que s'il n'y a pas de télé sur le web, moi, à CJSO, en Cile-Latoire, j'ai pas 25 000 de cote d'écoute. Je vais en avoir 5, 7, 8 000. Et aussi, il est allé avec le grand réseau de Montréal, le 98.5, pour les résultats de fin soirée le vendredi soir. Il est arrivé peut-être avec, on le saura par la suite, un ou deux clubs d'expansion. Dans ce qu'on lui a demandé, il l'a fait. Sauf que, oui, si je suis dirigeant, et je le suis avec le golf, et je l'étais avec la crosse, il y aurait peut-être 2/3 de son salaire serait donné, et non pas le 3/3, parce que c'est payé cher pour ce qui a été fait, et surtout, il n'avait pas les mains déliées. Il était lié de ce que eux voulaient, et des fois, il y a des décisions qu'il aurait prises, il n'a pas pu les prendre. Et si tu t'amènes avec un poste de commissaire comme Richard Martel, ou que ça aurait été mon nom qui aurait été mentionné l'an passé, et qu'on me dit, vous allez être à l'essai pour un an. Hey, de la merde, là. M'excuse, là. Mais ce gars-là, c'est 3 ans parce que tu peux pas repartir à zéro. En plus, oublie pas qu'il y a 4 des 6 propriétaires qui lui ont demandé de changer complètement la ligue, d'enlever les fameux goons, ce qui faisait pas l'affaire des fans, un certain nombre, un cinquième, et de 2 propriétaires en particulier qu'on nommera pas. Il a fait le travail. Mais le travail aujourd'hui, ben, il en paye le prix parce qu'on lui enlève justement toute chance de continuer à cause un peu de cela. Mais c'est ce qu'on lui a demandé et il le fait. Moi, je pense que dans les circonstances, Richard Martel mérite amplement son salaire. Et si toi, demain matin, tu demandes un montant d'argent et qu'on te l'offre, c'est sûr. Lui là, qui est en faute, Richard Martel. C'est ceux qui lui ont donné, puis n'allez pas dire l'année suivante, ben, il a coûté trop cher. Non, pour ce qu'il a fait, comparé à celui qui était en poste 8 ans auparavant et à son adjoint, il était 2 avant. Il était tout seul. Avec ce qu'il a fait, moi, chapeau, je m'excuse, il a livré la marchandise, mais j'ai toujours le goût amer, quel que soit le nom de l'individu qui était en poste, de se faire dire, avec ton bagage d'expérience de hockey, on vous met en poste pour un an à l'essai. Hey, mon œil, là. Un an, c'est pas assez. Oui, mais GL, c'est pas assez pour construire un an, là. Non, c'est 3 ans. C'est 3 ans minimum. Pour la changer complètement d'orientation. Et je te dirais même qu'un gars va mieux travailler sur 5 ans. Plan quinquennal, Marc Bergevin. Si on le fait dans la Ligue Midget 3, si on le fait aussi dans le junior majeur, ben, on est un calibre assez élevé. On se dit le calibre le plus près après la Ligue américaine de la Ligue nationale. Ben, on peut-tu donner la chance au gars d'avoir 3 ans plus 2 ans d'option? Et je sais pas qui va se présenter, là. Et je sais pas qui va vouloir se faire engager comme commissaire. Mais si j'étais à sa place, je dirais, vous me voulez? Ben, 3 ans plus 2 ans d'option ou allons chercher un autre. C'est sûr. Ben, Gilles, on s'en reparle la semaine prochaine. Hey, Antoine, j'ai une dernière petite question. Tu sais, la série, le tournage qui avait été fait là, sur la Ligue nord-américaine, donc t'étais là-dedans. Est-ce qu'il y a une télévision qui a été choisie, finalement? Ben, c'est Z Télé. C'est, entre autres, Louis Morissette, le conjoint de Véronique Cloutier. Lui, va mettre ça sur Z Télé en septembre. C'est 8 ou 10, parce qu'ils ont tellement de piétages et d'entrevues. Donc, c'est 8 ou 10 émissions. En septembre prochain, je pense vers le 15 septembre que ça va être lancé. et ça va être sur ZTélé. Mais assure-toi d'une chose, c'est le même consortium que RDS. Okay, c'est le même consortium que Évasion. C'est la même gang de chum également. Donc, ils vont certainement, après une première sortie à ZTélé, la présenter à RDS ou ailleurs. Et ça vaut la peine d'être vu parce que c'est un travail gigantesque. J'ai eu l'entrevue avec le producteur-réalisateur et ça change complètement l'idéologie des gens. Et comme il me disait, et avec raison, 15% des Québécois seulement savent en ce moment la beauté de ce hockey, alors que 85% des gens à travers tout le Québec pensent Ligue nord-américaine. On se tape sa gueule, il y a du sang dès le début d'un match. Effectivement. Gilles, on se reparle la semaine prochaine avec le bilan de tout ça. On va être en vacances, heureusement. Fait que, oui, puis, ça se termine au mieux vendredi soir. Puis, au pire pour les mamans et les grands-mamans, merde, dimanche, la fête des mères. Puis la série va être... puis là, la réunion va avoir lieu aussi. C'est 14 mai, la réunion? Bien, lundi soir, c'est la réunion. Pourquoi? Parce que ça met fin à la saison. C'est là qu'ils doivent annoncer leur retour. Donc, avec le départ de Richard Martel, c'est sûr que Thetford et Rivière-du-Loup vont dire « Oui, on revient ». Donc, il reste à régler ce soir-là le point épineux Trois-Rivières. Que fait M. Boileau? Et là, il faut enclencher le processus de se nommer nouveau commissaire pour le 8 ou le 9 juin aux assises annuelles et repêchages à Saint-Georges-de-Beauce. Et en même temps, le 8 et le 9 juin, s'assurer que s'il y a un repêchage spécial, en plus du repêchage régulier, d'avoir une ou deux concessions qui vont aller à ce repêchage spécial. Donc, beaucoup de travail le 14 mai au soir, entre-temps, et le 8 et 9 juin. Moi, je pense qu'on saura vraiment à quoi s'attendre pour la saison 23, la saison 2018-19, seulement au lendemain, c'est-à-dire le lundi 11 juin. Avant ça, là, ça va Danny encore aller à gauche, à droite, au centre, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Ils vont spéculer. Beaucoup de monde va spéculer, mais il n'y a pas de réponse officielle qui va être donnée. Et tu appellerais les 6 propriétaires en ce moment. Je pense qu'il n'y a personne qui peut te donner leur juste à savoir qui s'amène ou pas dans la Ligue l'an prochain comme concession. OK. Bien, Gilles, on s'en reparle la semaine prochaine. Bonne semaine. Gilles Péloquin, Monsieur Ligue nord-américaine de la